Cette conférence a pour thème « Qu'est-ce que l'énergie supramentale? » Moi, ouais, qu'est-ce que c'est? C'est ça, justement, ce que je m'en allais te demander. T'as une heure pour le dire. Le télépath. Premièrement, c'est le plan supramental, est-ce que c'est juste de parler d'énergie? Bon. Non. On parle d'énergie parce que c'est à la mode. Mais tout est énergie, c'est bien, c'est à la mode. Dans le passé, c'est l'esprit. Pour ça, ça a été l'Esprit Saint. C'était pas assez correct. Oui, mais là, ça fait pas longtemps que l'énergie, c'était à la mode. Ça fait peut-être... Depuis qu'on connaît l'énergie. Ben, ça fait 30 ans. Ah ben... Hmm? Ça fait depuis les Einstein qui a parlé d'énergie nucléaire. Oui, mais c'était pas en mode. On connaît un petit peu avant, mais ça commençait à être à la mode dans ce temps-là. Au niveau spirituel, aux États-Unis, c'est apparu dans les un peu après la Deuxième Guerre mondiale. Ah bien, donc, tu crois. Okay. Parce que j'ai écrit... Bhagavad Gita parlait qu'à un moment donné, on sortirait Dieu de la matière, enfin, etc. Puis là, il y a un bonhomme, Otto, qui lui, était un savant, qui à un moment donné lisait la Bhagavad Gita, puis en regardant une explosion de thermonucléaire, il s'était dit que c'était ça qui était arrivé. Puis c'était une communication publique, puis finalement, les gens ont bien aimé le fait que Dieu était dans la matière, puis que le rêve de l'énergie, c'était Dieu, puis bon, voilà. Ok, je voulais dire, l'énergie, par exemple, de plus en plus, on va entendre dire les gens vont parler de leur propre énergie. Alors qu'avant, les gens, l'énergie, c'est... L'énergie, c'était trop... Il n'y a pas de définition à ça. Il y avait le charbon, il y avait... On parlait d'énergie électrique, par exemple, mais... Après. Mais pas d'énergie vitale. Non plus. Mais maintenant, on parle d'énergie. Ce qu'on doit comprendre, simplement, c'est qu'il y a... On parle d'énergie, c'est pas tout à fait exact. L'énergie, ça descend à travers la galaxie, à travers l'univers en réalité. Un petit résumé bref, il y a la création, il y a des super-univers. À l'intérieur des super-univers, il y a des univers. Dans les univers, il y a des galaxies. Dans les galaxies, il y a des systèmes solaires, il y a plusieurs étoiles sans système solaire, des systèmes avec des étoiles, avec des planètes. Puis nous autres, bon, on est sur l'une de ces galaxies-là, qu'on appelle la Voie lactée, qui est une galaxie très ordinaire, pas grande. On est tous dans le programme, nous autres, à part nos égaux. Et puis, notre Soleil... C'est un tout petit soleil vraiment banal, un petit soleil jaune qui se trouve approximativement aux trois quarts de l'aile de notre galaxie. Et ce soleil-là contient donc un système planétaire. La troisième planète, c'est pas la plus grosse non plus, contient des unités carbone capables de conscience. Toi, là. C'est un résumé. Alors, voilà. Là-dedans, il y a des mécaniques intéressantes. Les créations, il y en a plus qu'une, mais pour l'instant, on va se contenter d'un autre. Et il y a donc des mécaniques intéressantes. On va se limiter à notre univers ici, qui contient donc plusieurs galaxies. On parlait juste de notre galaxie présentement. On en voit d'autres quand on regarde le ciel. Avec des télescopes, ça l'aide un petit peu. Sinon, il faut être presbyte en tabarnouche, en tout cas. Tu veux pas que tu vois les galaxies ce soir? N'ose pas le dire. Bon. Je pensais que tout le monde voyait ça comme ça. Bon. OK. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a effectivement beaucoup d'énergie. Là, je vais sauter des détails. L'astrophysique sait très bien qu'il y a la majorité des particules qui existent dans notre univers sont des particules virtuelles, donc des particules qui n'ont à peine le temps d'exister. L'énergie, à travers toute cette mécanique-là ici, elle traverse des plans. L'énergie de la création traverse certains plans. Je vais passer des détails pour en arriver immédiatement à l'intelligence supramentale. Mais sachez simplement que lorsque l'énergie arrive dans un certain niveau de refroidissement, elle éclate. On appelle ça de l'effusion ou encore de l'involution. Bon, en s'effusant, en éclatant, ça crée des mécaniques énergétiques légèrement différentes. On appellera ça des faisceaux dans la spiritualité. Mais en réalité, c'est omniprésent comme la lumière. La lumière blanche, on peut dire, il y a un faisceau rouge, il y a un faisceau ultraviolet, il y a un faisceau violet, il y a des couleurs. Mais c'est omniprésent partout. Le bleu de la lumière blanche est présent partout. Le rouge est présent partout. Donc, il n'y a pas de faisceau réel. Alors, ici, pour dessiner, on parlera de faisceau. Quand ça traverse, quand ça arrive dans un super univers, l'énergie à ce niveau-là ici pourrait porter un nom, de l'énergie intentionnelle. Et je vais passer sur la mécanique intentionnelle. Dans différentes spiritualités, on parlera d'énergie divine, mais ça n'a rien à voir avec les dieux planétaires. Quand ça frappe un super univers, l'énergie est divisée. Elle perd en infinité, en tout cas en puissance. On parlera d'énergie d'amour intelligent. On parlera souvent d'énergie bouddhique. C'est le terme spirituel. L'énergie divine est surtout exprimée dans le super univers. Elle apparaît donc dans la création. Dans le super univers, l'énergie bouddhique est surtout exprimée dans l'univers. Dans l'univers, on va apparaître là une énergie qui va être celle de l'intelligence instantanée, tandis qu'on avait l'amour instantané ici. L'amour instantané va être exprimé surtout dans la galaxie, créée dans l'univers. L'amour, pas l'amour, l'intelligence instantanée. L'intelligence instantanée, dans le contexte planétaire, porte différents noms. Intelligence supramentale, énergie supramentale, esprit, esprit saint, énergie christique, puis il y en a plus rien comme ça. L'énergie continue à descendre, de niveau en niveau, elle s'effusionne, donc elle éclate, elle devient un petit peu moins dense. Rendue à un certain niveau de refroidissement, ça va engendrer ce qu'on va appeler la matière. À un moment donné, la matière étant saturée d'énergie, elle va être révélée et on aura le plan qu'on appellera de l'énergie vitale. C'est l'énergie intra-atomique, l'énergie qui va révéler la matière, qui va faire que les particules virtuelles vont finir par être des particules réelles. Et ce plan-là saturé va commencer à apparaître le plan de l'astral. Et c'est la même énergie, mais qui va vibrer à un autre niveau. Quand le plan de l'astral est saturé, c'est le cas chez l'humain, la même énergie est arrêtée à un niveau plus haut et va apparaître le plan mental, qui au départ est le plan de l'intellect, et qui progressivement va devenir le plan mental, qui va commencer à se séparer du plan astral. La même énergie est arrêtée un peu plus haut chez les êtres qui se conscientisent. Cette énergie-là est arrêtée à un autre niveau qu'on appellera le mental supérieur, donc en haut du mental, qu'on appellera aussi l'énergie supramentale, qu'on appellera l'esprit, etc., tous les mots que j'ai donnés tout à l'heure. Ça, c'est donc un autre niveau. En haut, on aura le plan bouddhique, le plan de l'amour intelligent, on aura le plan de l'intelligence, disons de l'est, de l'intentionnalité. Ça veut dire que c'est la même énergie, okay, mais qui est bloquée à un niveau supérieur par un être humain qui est capable. C'est ce qui me fait dire souvent que quand Dieu veut parler à un chien, il doit descendre au niveau du chien, puis quand Dieu parle à un chien, ben il aboie. Fait que Dieu ne peut rien donner au chien. OK. L'énergie, bon, quand elle descend, c'est toujours la même énergie, sauf que... Pas, là, on dit descend parce que nous autres, on aime bien ça être dans le fond du trou, là. Bon, mais quand elle s'exprime au niveau matériel, on voit une certaine solidité. Au niveau vital, c'est autre chose. Astral, ça permet d'exprimer de l'émotivité mentale, de la logique. Au niveau du supramental, c'est quoi la spécificité de l'énergie supramentale? Je m'attendais à une réponse plus longue. L'intelligent. C'est plus long. Chez l'être humain, il y a l'intellectuant. Et l'intellectuant, c'est souvent ce que l'humain appelle l'intelligence. Bon. Alors, quelqu'un qui réussit ses examens à l'école, on peut dire, certaines personnes vont dire qu'il est intelligent, celui-là. Pas intelligent. Ça ne veut rien dire, il peut l'être, là. Mais l'intellectuant, c'est la capacité que l'être humain de se rappeler ce qu'il a appris quand c'est nécessaire. Alors, les êtres intellectuants sont des êtres qui fonctionnent avec leur intellect et qui fonctionnent avec la mémoire, l'expérience et tout ce qu'ils vont aller chercher là-dedans pour parvenir à être suffisamment efficace dans leur vie. L'intelligence, c'est actif. L'intelligence, pour qu'un être intelligent n'a pas besoin d'apprendre. Donc, l'être qui apprend est un être intellectuant. L'être qui est un être intellectuant peut avoir des contacts avec son intelligence, donc avec l'énergie supramentale. L'intelligence supramentale, l'intelligence, par définition, un être intelligent n'a pas besoin d'apprendre. Ça veut dire qu'un être intelligent sait, puis un être intellectuant connaît. Alors, la façon la plus facile de comprendre le principe, c'est que tu connais la ville de Montréal, tu l'as appris, tu sais que tu vis, ça c'est pas parce que quelqu'un te l'a dit ou parce que tu l'as appris, tu sais ça. Mais tu ne diras pas, je sais la ville de Montréal et je connais que je vis. Dans le langage humain, il y a une bonne différence. C'est sûr qu'on peut faire un jeu de mots avec connaître, dans le sens naître avec, comme Krishnamurti l'a fait. Mais dans le langage, la valeur émotive des mots, c'est beaucoup plus juste de dire savoir quand on parle d'intelligence. Et de la musique dehors, hein? Ça pense fort. Ou je connais quand ça a rapport à la mémoire. Okay. L'intelligence, c'est instantané. Un être intelligent n'a pas besoin d'aller à l'école. Bon, tu dis... Et un être intelligent ne va pas à l'école, des misères à l'école. Ouais. Tu dis se contacter avec mon intelligence. Bon, est-ce qu'il y a une différence entre l'intelligence puis son intelligence propre ou ça est plus personnalisé? Est-ce qu'il y a une différence? Non, l'intelligence partout, puis ce qui passe en dedans de chaque individu qui n'a, c'est la même chose. Ce qui passe dans l'individu est différent parce que l'individu est différent, mais ce qui vient pour passer, c'est la même chose pour tout le monde. Mm-hmm. L'intelligence, c'est ce qui va permettre, par exemple, à un moment donné, à Christophe Colomb de savoir que la Terre est ronde, puis de savoir certaines choses. C'est évident qu'il va faire des erreurs. Lui, il ne sait pas qu'entre sa Terre et l'Inde existe un continent complet, finalement trois continents ou deux continents, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord. Il sait des choses. Mais lui a eu un contact avec le plan supramental. Ouais, on peut dire ça comme ça quand on parle spirituel, mais on peut dire simplement que lui savait qu'il pouvait s'en aller là-bas, puis que les vents l'amèneraient là-bas, puis que les vents du Nord le ramèneraient. Lui, il savait. Certaines personnes vont dire qu'il a observé, exactement. Albert Einstein, il a lui aussi eu contact avec une intelligence. Albert Einstein, il a observé une rivière qui coulait, de l'eau qui passait en dessous d'un pont, et il en a déduit la relativité restreinte. Mais il n'était pas le premier à regarder de l'eau couler. Donc, on peut dire, oui, mais lui, il avait observé. Ah ouais, non, mais lui, il observait un moineau qui se passait, là, comme Isaac Newton, apparemment, qui a reçu une pomme sans tête. C'est pas vrai. Mais là, il y a effectivement un fruit qui est tombé, puis il y en a déduit la gravité. Il y en a même déduit qu'un corps était, que la gravité était égale à l'inverse du carré. Je sais pas combien de pommes qu'il a vu pour arriver à déduire ça, là. Il avait raison. Il y en a un autre, à un moment donné, qui en a déduit que la Terre tournait autour du Soleil, puis dans un mode elliptique. Comment il a fait pour déduire ça? Mais là, c'est tout. C'est ça. Il savait. Donc, déjà. Ils ont vibré supramentalement. Non, mais il n'y a pas ça de même. Ils ont fait des recherches. Là. Ils ont calculé. Non. Ceux qui ont calculé, c'était pour prouver qu'il avait tort. Ils ont découvert qu'il avait raison. Albert Einstein, c'est le plus évident, le plus près d'ici, là. Lui, ce qu'il disait aux gens, il disait, voilà, c'est comme ça que ça se fait. Puis, pour le prouver, vous avez juste à faire tel calcul ou faire telle observation dans un an ou deux, puis vous allez pouvoir voir. Et lui, il n'avait rien fait de ça. La plus grande preuve, c'est quand il parle, par exemple, de la déviance de la lumière au voisinage des masses, donc la courbure de l'espace-temps au voisinage des masses, c'est dans sa théorie de relativité générale, et là, il explique aux gens que la seule façon de le voir, c'est d'être capable d'observer la lumière passant près d'une masse énorme. Alors, il y a une éclipse de soleil dans un an ou dans deux ans. Eh bien, si vous observez convenablement l'éclipse, vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir un jeu en ce qui concerne les étoiles qu'on voit en arrière. Puis, subitement, vous allez voir qu'ils vont se détacher rapidement. Ils vont être courbés par la présence du soleil. Donc, la lumière va être déviée par le soleil. Il leur a expliqué ça. Alors, les savants sont partis vérifier ça un an ou deux après, à la fin de la guerre. Et les deux équipes, Australiens, Britanniques, entre autres, qui ont fait la vérification. Puis à un moment donné, il y a un télégramme qui arrive à Albert Einstein, puis on lui dit, ça a été confirmé. Puis lui, il dit, ben vous le savez. Lui, c'était, écoute, donne ça aux autres. Lui, il n'a rien vérifié. Lui, c'était, quelqu'un, il demande, qu'est-ce que tu aurais dit si ça aurait été faux? Il dit, je comprends bien, j'aurais dit, Dieu, ça ne sert pas des bonnes théories. Lui, c'était tellement clair. Il savait. Et c'est ça l'intelligence. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a passé sa vie à faire des mathématiques, pas pour découvrir, pour permettre aux gens qui ne savent pas d'arriver à le comprendre. Mais j'avais la vision. C'est pas ça là-dedans. Léonard, il en était un autre. Il travaillait pour justifier son éventuel. Prends Léonard de Vinci. À un moment donné, Léonard de Vinci a inventé le parachute. Il n'existait même pas les avions encore. Ben, c'est un gars prévenant. C'est un gars prévenant. Il a inventé l'hélicoptère, c'est-à-dire le principe de la vis qui tourne pour monter. Il a travaillé sur l'avion. Il a d'ailleurs perdu ses deux associés là-dedans. Il a travaillé sur l'anatomie, la première dissection. Il a travaillé sur les premières pompes à eau. Il a travaillé sur les premières mitraillettes. Il a travaillé... mettez-en! Archimède, même chose. Puis il y en a eu du monde. Le mot « atome ». Ça vient, ça, de Aristote ou ça vient de très, très loin. Déjà, lui, il s'est dit, la matière, on peut la diviser jusqu'à un moment donné où c'est indivisible, puis tout est constitué à partir de ça. Là, je te parle de bien avant Jésus-Christ, là. Il est allé étudier comment? Il a fait de l'observation? Non. Il savait. C'est sûr que l'astral, la pensée, viennent colorer, puis souvent le savoir est déformé pour être ajusté à la planète. C'est ce qui est arrivé à Albert Einstein vers la fin, où il a déformé ses théories pour essayer de les rendre conformes avec sa spiritualité. Puis aujourd'hui, dans la relativité, il y a des erreurs qu'on a découvertes qui sont ces erreurs-là. Le reste est encore convenable. Newton, c'est la même chose, puis il y en a plein. L'intelligence supramentale, l'énergie supramentale, ça permet à un être humain de savoir instantanément ce qu'il a besoin de savoir quand c'est nécessaire qu'il le sache. Moi, j'avais la vision que quelqu'un qui avait un contact supramental, qui savait des choses de cette façon-là, était relativement anégoïque. Mais si on pense à Christophe Colomb... C'est quoi, c'est anégoïque? C'est pas trop d'ego. Simple. Mais si on pense à Christophe Colomb, ce qui nous est rapporté, ben il y avait un caractère qui pouvait être déplaisant. C'est un Colomb. Bon, c'est ça. Alors, donc, ça devient que c'est pas vrai. Il y en a qui pouvaient savoir des choses sans nécessairement être quelqu'un de correct. Ben, c'est évident. Ça, c'est une idée très spirituelle de penser qu'il faut être pur pour rencontrer Dieu. Regardons la majorité des gens qui se vantent d'avoir rencontré Dieu, ou les gens qu'on a béatifiés, ou qu'on a sanctifiés, ou etc. Faut croire que... Mais c'est-tu n'importe qui? C'est ça. C'est n'importe qui vibre tout à coup supramentalement. C'est ça. Est-ce que dans tout, tu parles de différentes personnes, mais on recule loin, est-ce que tous ces gens-là avaient une mécanique d'ajusteur de pensée pour y arriver ou... Tous les humains qui pensent ont un ajusteur de pensée. Le souvent, l'ajusteur de pensée n'est pas opérationnel, là, mais tous les humains qui pensent ont un ajusteur de pensée. Ça peut être opérationnel une minute, puis la minute, s'il y a... Opérationnel une minute, pensée. Puis l'ego est tellement content que le reste de sa vie, l'ego tripe tellement que c'est plus opérationnel. Mm-hmm. Mais c'est n'importe qui, là, c'est dangereux. Mais c'est sûr que c'est dangereux. Regarde Adolf Hitler, regarde Hannibal, regarde... Adolf Hitler avait... Un contact supramental complet, ça a duré quelques secondes. Quelques fois à travers son règne, bien c'est bien sûr. Et c'était... Totalement. Mais là, c'est parce que c'est supposé d'être intelligent. C'est intelligent aussi. Mais ça dépend qu'est-ce que l'humain en fait, là. Ça, c'est bien évident. Parce qu'Hitler, on peut pas dire que c'était génial. Ça n'a pas été fanfare, son affaire. Non, je dis pas le contraire, sauf que Hitler avait des visions totalement supramentales de plein de choses. Les Allemands, c'était un peuple totalement génial. Il y a eu beaucoup de contacts supramentaux là-dedans. D'ailleurs, Albert Einstein, c'était un Allemand. Bon, Von Braun, c'était un Allemand, c'était un paquet. L'humain est allé sur la Lune grâce à des Allemands. Et ce qu'il faut bien comprendre, puis ça, évidemment, c'est des petits pets supramentales qu'ils ont eu. Mais des petits pets supramentales en lumière, et ça fait en sorte qu'il se passe de quoi à un moment donné quand tu as un petit peu d'énergie. Arimanienne ou satanéenne qui viennent t'aider, là, dans le cas d'Adolf Hitler. Mais l'intelligence supramentale, je répète une chose, ça permet à l'être humain de savoir ce qu'il a besoin de savoir quand c'est nécessaire qu'il le sache. Pourquoi présentement l'humain ne peut pas se servir convenablement d'intelligence supramentale? C'est parce qu'il est investi de la pensée. Tant que l'humain va rester investi de la pensée, l'humain va toujours être en dissonance entre l'information supramentale qui lui est amenée puis toutes les informations amenées par la pensée. Donc, de ce fait, un humain qui est investi d'intelligence, s'il se dit, moi, je veux fonctionner uniquement avec mon intelligence, il y a des fortes chances qu'il se fasse avoir souvent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suffisamment de discernement pour être capable de discerner entre la saveur de la mémoire, donc la saveur de la pensée, et la saveur de l'instantanéité, la saveur de l'intelligence. Je vais vous donner une petite explication plus planétaire de l'intelligence supramentale. Couchez. Il y a ici un événement particulier sur la planète Terre, une automobile qui se promène, il y a un autre événement ici, un événement là, un événement là, un événement là. Les météorologues parlent de l'effet papillon pour expliquer leur manque de précision dans leur prophétie météorologique. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moindrement qu'il y a un petit élément qui vient passer là-dedans, il perturbe l'écosystème météorologique. Ça a des effets sur le reste complet, ce qui fait qu'un papillon peut faire effectivement détourner un ouragan. Un papillon au Mozambique peut empêcher l'ouragan qui se dirige vers le Mexique d'arriver là où on a prévu. Alors, les météorologues parlent de l'effet papillon. Tous les événements planétaires, présentement, bon, il y a une loi physique importante. Chaque corps impose son espace-temps aux autres corps. Présentement, moi, ma présence impose mon espace-temps à la chaise. Ça veut dire que je ne peux pas être à la même place que la chaise dans le même temps. J'impose mon temps et mon espace à la chaise. Donc, je peux être dans deux endroits différents dans le même temps ou dans le même endroit, mais dans deux temps différents, tout à l'heure était là. Ça veut dire que tous nous autres ici, nous nous imposons nos espaces-temps, le maringouin, le microbe, le virus, l'atmosphère, tout. Étant donné que tout ça est en perpétuelle relation, en perpétuelle connexion, qu'on s'impose tous nos espaces-temps, ça veut dire qu'il y a une relation généralisée entre chaque petit atome, chaque molécule, chaque constituant, chaque animal, chaque être humain, chaque matière, tout est interrelié. De par leur propre présence énergétique, que ce soit la microgravité, que ce soit le mouvement atmosphérique, etc. C'est de là le problème de la Charte des droits et libertés? Évident. La liberté commence quand on s'en va. Bon. Ce qui est l'intelligence pré-mentale au départ dans le contexte planétaire, ce qu'elle permet à l'humain, c'est d'avoir accès instantanément à l'information de tout l'écosystème planétaire. Évidemment, l'humain n'a pas besoin de connaître la quantité exacte de maringouins présents au Mozambique, tout de suite. Bon. En plus, ça change. À chaque fois qu'il y a un contact, l'humain, à ce moment, dans cette fraction de seconde-là, c'est tout. Ouais. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que l'humain, lui, son ajusteur de pensée, c'est une mécanique là, que, bon, on expliquera peut-être à un moment donné, l'ajusteur de pensée va s'arranger pour filtrer l'information amenée par, par le contact instantané. Donc, instantanément, tu sais tout ce qui se passe là. Ça veut dire que quand tu as une décision apparente à prendre, tu ne te dis pas, tiens, le feu est pris dans la salle, il y a deux sorties, celle-là, elle brûle, celle-là, ne brûle pas, tiens, on va prendre celle-là. L'être humain, avec ses yeux, il a accès à une information limitée. Donc, il va bouger. Parce que ses yeux amènent de l'information colorée d'Altalamus par les mécaniques astrales, par sa pensée, l'humain prend souvent de fausses décisions. Il ne prend pas des décisions en fonction de la réalité. Il prend des décisions en fonction de sa vision de la réalité. Problématique au niveau de la pensée. L'être humain qui a un contact supramental a accès, on va dire maintenant, instantanément à toute l'information d'un cadre donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut faire partie de ce qui peut servir à sa vie maintenant. L'instantanéité va faire en sorte que notre personnage va être capable d'agir, pas de prendre une décision, d'agir immédiatement dans le bon sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous en allez en automobile, puis à un moment donné, vous êtes en contact supramental, puis là, vous ne sentez pas vos cheveux frisés ou quoi que ce soit, là, vous vous en allez, là. Puis à un moment donné, ben là, vous sortez ici, vous sortez de l'autoroute, et vous en allez un peu sur le moment. Et puis, il y a eu, 3 secondes après votre sortie, un accident. Vous auriez peut-être été impliqué dans l'accident. L'humain va dire, c'est un coup de chance. Non, vous ne pensiez plus, vous étiez dans un état particulier. Puis parce que vous êtes en contact avec tout l'événementiel actuel qui peut avoir un intérêt au niveau de votre vie, filtré par l'ajusteur de pensée, ben, vous allez simplement pas prendre de décision, vous allez simplement faire ce qui doit être fait. Mais ça prend pas trop d'ego pour arriver à faire ça. C'est évident. Mais on appelle ça accomplir. Quand l'humain accomplit, l'humain est en contact avec l'intelligence. Mais être en contact avec l'intelligence, pour la majorité des humains, c'est pas grand-chose. Pourquoi? Vous êtes assis dans votre salon, et à un moment donné, vous avez une intuition très forte, ça vibre partout, ça se monte comme une vertébrale, ça vous fait quasiment un massage de l'apophyse épineuse. Puis là, ça descend dans le système digestif, là, tu sais, vous l'avez tué, et là, je suis certain, là, ça va. Là, il croit à ça. Tout ce qui est émotif passe par le biais de l'hypothalamus dans le système endocrinien et est exprimé très fort dans le corps physique. Tout ce qui vient de la pensée, du monde de la mort, des maîtres spirituels, des guides, etc., ça peut facilement être senti dans le corps physique. L'intelligence supramentale descend au niveau du cortex, au niveau de l'épiphyse, la glande pinéale, et ça ne laisse pas de traces endocriniennes dans le corps physique. Donc, normalement, un contact supramental semble très bénin du point de vue de l'humain qu'il vit. Alors, quand j'ai l'intuition de quelque chose au niveau supramental, c'est à peine si ça laisse une trace dans mon corps. Alors que quand j'ai l'intuition astrale, psychologique, émotive, ça laisse une grosse trace. Et l'humain, il se fie bien plus sur ce qui vient marquer son corps, sa chair, que ce qui passe dans sa tête. Et ça, c'est une problématique. Quand tu as un choix à faire, très souvent, l'humain est équipé pour ne pas faire de choix, l'humain est équipé pour accomplir, pour faire ce qu'il doit faire. Mais l'astral vient te perturber l'affaire au complet, puis comme l'humain a plus d'écoute sur ce qui se passe au niveau de son corps, donc au niveau de sa pensée, de son émotivité... Mais c'est pas lui, c'est plus réel. C'est beaucoup plus réel, Donc, ça a plus de relâche, ce qui fait que l'humain n'écoute pas. Bref, il n'écoute pas. Le corps physique n'écoute pas l'intelligence. Le corps physique écoute beaucoup plus la mémoire. Mais viens-tu un temps où l'humain vibre plus supramentalement, donc ça a plus de saveur que qu'astralement, par exemple? Ben oui. Plus l'humain va se conscientiser, là, c'est ça qui est souvent, c'est que l'humain spiritualise par la pensée, contact supramental. Vous jouez au badminton, vous jouez au ping-pong, puis à un moment donné, là, vous êtes deux au ping-pong, vous ne jouez pas fort, là, c'est, vous penchez souvent. Et puis, à un moment donné, ben là, sling, clang, ça marche, tu sais, là, on joue avec l'autre qui n'est pas meilleur que nous autres. Des coups, on a 5, 6, 7 coups, là, et les gars embarquent, là, puis là, tu manques ton coup. Bon. Hey, on l'a eu, là, hein? Ouais, bien sûr, ça commence, il flingue dans le filet, il flingue à côté de la table, puis là, ça marche encore tout proche. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que subitement, pendant un très très court laps de temps, tous les deux, vous étiez branchés sur ce qui se passe, puis votre corps agissait en fonction. Puis on pensait plus, surtout. Là, tu pensais plus. C'est ça. Mais là, quand tu commences avec l'ego, quand tu commences à constater que, hey, t'as vendu l'on là, bien là, l'ego veut absolument que ça continue. Tout à l'heure, je parlais d'espoir. Bien, inconsciemment, tu as l'espoir que ça continue. Le l'ego veut maintenant prendre le contrôle du corps parce qu'il veut que ça continue, parce qu'on ne fait absolument pas confiance. Tout à l'heure, tu posais la question, qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui ne pense plus? Il est efficace. Mais quelqu'un qui pense à rien, il est fini. Il y a une grosse nuance. Mais quelqu'un qui ne pense plus et qui n'est pas en contact avec d'autres quelqu'un choses... Quelqu'un qui ne pense plus est en contact. Quelqu'un qui pense plus et qui n'est pas en contact, c'est quelqu'un qui pense à rien. Il pense encore. Puis, au niveau de l'intelligence, donc l'énergie supramentale... As-tu déjà vu ça, une photo manquée? Oui, oui. Je ne parle pas une photo de... Mais, une photo noire. Une photo manquée, ça, là? Mm-hmm. Quand tu la regardes, il n'y a rien dessus. Mais tu regardes une photo quand même. Oui. Quelqu'un qui pense à rien, c'est la même chose que s'il pensait à un arbre. Il est totalement investi de la pensée. Quelqu'un qui pense à rien, il se dit, bon, là, je pense à rien, là, comment ça, j'ai pas de contact. C'est la même chose que si tu pensais à une fleur. Là, je pense à une fleur, comment ça, j'ai pas de contact. Il faut que l'humain ne pense plus. Le contact est en permanence chez vous. Le contact est là. Je dis souvent aux personnes que vous savez tout ce que vous avez à faire. Alors, l'humain, il s'en maudit. Mais ça dit, fais pas ça. Puis ça dit, oh, fais-le. Puis là, l'humain, il va par là. Puis souvent, l'humain, il veut, il fuit l'affaire. Puis il fait vite. Après ça, il se dit, ouais, c'est vrai, j'aurais pas dû le faire. Mais il aimait ça. Il a fait vite. Puis c'est continuellement comme ça parce que l'humain s'est ramassé par sa pensée. L'humain est en contact avec l'intelligence sans arrêt, sauf que le corps physique n'est pas suffisamment entraîné à laisser une trace suffisamment puissante pour que l'ego puisse la reconnaître. Laisser une trace où? Au niveau du cerveau. On pourrait dire au niveau, parce que au niveau de la structure chimique de l'hippocampe cérébral, on va dire dans la mémoire chimique de l'humain, puis là, ton âme va être capable d'aller lire là-dedans. C'est un peu comme, par exemple, hey, là, j'ai une idée, t'as fait, faut que je l'écris, vas-tu un crayon? Ah, ben, mais trop tard. Bon, c'est passé, ça a laissé aucune trace au niveau de ta matière, ben, l'intelligence supramentale, c'est ce qui arrive très souvent, c'est que ça communique à l'humain sans arrêt, et comme c'est instantané, ça ne laisse pas de trace mémorielle, si t'es pas à l'écoute en permanence de ce qui se passe, ben, nécessairement, ça fonctionne pas. Puis le gros danger de l'humain qui est en transition, c'est qu'il est un petit peu à l'écoute, puis il l'est plus, puis un petit peu à l'écoute, puis il l'est plus. Ça fait quoi? Ça fait qu'il commence sa vie d'une manière, puis quand il n'est plus en écoute, tout plante. Mais comment faire pour... parce qu'il va falloir s'en souvenir, là, on va procéder par mémoire pour aller faire une trace dans l'âme. La meilleure chose à faire, c'est d'apprendre à parler. Moi, par exemple, quand je parle, ce que je dis, je ne l'ai pas appris. Ce que je dis, je le dis simplement. Le disant, mes oreilles écoutent. Mes oreilles écoutant, ça se grave plus facilement au niveau de la mémoire, donc je peux même instruire mon ego avec ça. Alors, l'être humain doit apprendre à parler. L'ajusteur de pensée va l'aider. L'humain doit apprendre à parler en purifiant sa parole. L'humain doit cesser d'avoir une parole qui le démolit, une parole fausse. L'humain doit cesser de s'imaginer qu'il n'y a rien à dire d'intéressant. Puis, comme j'explique souvent aux séminaristes, c'est qu'au début, quand tu commences à parler, ben, tu vas dire un paquet de conneries. Moi, ou les 25, 30 premières conférences que j'ai faites, là, achetez pas ça. Et puis, à un moment donné, t'as tellement, l'eau froide est tellement passée que là, l'eau chaude commence à arriver, puis vient un moment donné que là, ce que tu commences à dire commence à être intéressant. Mais au départ, fallait se réchauffer. Mais c'est ça. Alors, si les gens, ils se disent, ben, j'attends de dire de quoi l'intelligent, il se passera jamais rien. Et la fois du moment que tu as commencé, que tu es rendu au contact avec l'intelligence dans ta parole, plus tu vas parler souvent, plus tu vas rester souvent chaud, donc plus tu vas être souvent en contact par ta parole. Ça ne veut pas dire que tu vas appliquer tout ce que tu vas dire. Tu es encore manipulable par l'astral. Mon minimum, tu peux l'exprimer. C'est la meilleure chose à faire. Mais...